parce qu'elle ressemble à un visage où le temps écrit son passage. Mon âme, parce qu'elle a souvent voyagé de cœur en cœur sans s'arrêter. Mon âme, parce qu'elle a un peu trop servi, un peu trop dit, je t'aime aussi. Mon âme, ton âme a su pourtant me plaire, depuis je ne peux m'en défaire. Ton âme. Et parce qu'en mille rides de vive, tant de wagons suivis s'arrivent. Mon âme, qu'elle est pareille à la souffrance, cette vieille amie de mon enfance. Mon âme, qu'elle a dormi dans bien des lits l'éternité de quelques nuits. Mon âme, ton âme a su pourtant me prendre, depuis je ne peux m'en défendre de ton âme. Parce qu'elle n'a plus beaucoup de pages au fond de son livre d'images. Mon âme, que souvent quand elle voudrait rire, des larmes se cachent en son sourire. Mon âme, et parce qu'en ses yeux l'oiseau tombe, résumant les chagrins du monde. Mon âme, ton âme a su me tendre un piège, toi qui es subit tant de sièges, ton âme. Parce qu'aujourd'hui elle me fait vivre, premier chapitre de mon livre, ton âme. Parce qu'à mes yeux elle est si douce, qu'on dirait comme l'eau de source, ton âme. Parce qu'elle fait partie de ma chair, qu'elle fait racine dans ma terre. Ton âme a su me faire écrire ces mots que je n'ai pas su dire. Je t'aime. Ton âme a su me faire écrire ces mots que je n'ai pas su dire. Je t'aime.